Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'assaut, eh bien, nous allons découvrir l'association Lorraine Nyambato en compagnie de sa présidente, Michèle Pilot. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. L'association Lorraine Nyambato, on va voyager avec cette association. Vous pouvez nous en faire un petit portrait ? L'association existe depuis plus de 15 ans maintenant. Oui. Elle a pour objet de promouvoir le tourisme solidaire au Sénégal à partir d'un campement. Ce qu'on appelle campement au Sénégal, c'est un hôtel 2 étoiles construit sous forme de cases. Et un hôtel qui accueille des voyageurs qui ont envie de passer des vacances de façon solidaire. Alors, tourisme solidaire, c'est du tourisme. On va à la rencontre d'un pays, d'une région, au Sénégal. On va, quand on est solidaire, on va particulièrement à la rencontre des habitants. On privilégie des échanges interculturels. On va découvrir les modes de vie dans cette petite région du Nyambato, dans le delta du Saloum, au Sénégal. Une région qui est, sur le plan socio-économique, qui est pauvre, mais qui est très riche de son environnement et très riche aussi de ses relations sociales, de l'accueil des personnes, des villageois qui résident. Et quand on fait du tourisme solidaire, on est aussi dans une logique où le bénéfice du voyage, c'est-à-dire le prix que l'on paye pour son séjour, le bénéfice reste sur place. Les retombées économiques restent sur place pour soutenir l'activité des villageois, pour soutenir l'emploi, pour soutenir les prestataires, les fournisseurs, les producteurs locaux. Notre objectif est de faire en sorte que ce projet-là contribue au développement économique d'une région, comme je vous le disais, qui est socio-économiquement pauvre. Michèle Pilot, vous êtes donc présidente de cette association. Comment vous avez connu cette association ? Oh, j'ai connu cette association parce que je suis de longue date amie avec un des fondateurs de ce projet. Ils sont deux, un Français, Denis Valence, et un Sénégalais, Michel Sen, qui eux-mêmes sont amis depuis longtemps. Denis avait fait de la coopération quand il était jeune au Sénégal, avait gardé des liens très forts d'amitié avec les gens du delta du Saloum. Et ce projet est né à mûri pendant une vingtaine d'années, avant de se concrétiser par la construction de ce campement, Fadidi Nyambato. Et pour construire ce campement, il a été procédé dans les années 2005-2006 à un appel à financement solidaire. Et donc, comme j'étais dans le cercle des amis assez proches, j'ai participé financièrement à la construction de ce campement. On est maintenant une centaine de personnes à avoir financé la construction de Fadidi Nyambato. On a pu mobiliser un peu plus de 300 000 euros, ce qui nous a permis de construire le campement sans recours aux banques, sans recours aux subventions, ce dont on est fier. Oui. Voilà, et qui a permis d'aller vite aussi pour construire le campement et le mettre en activité. Actuellement, il y a 6 salariés permanents, sénégalais, employés des villages locaux, qui habitent dans les villages aux alentours. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le projet. Et puis, quand on s'est retrouvé avec l'idée de construire le campement et puis de le réaliser, on s'est dit, c'est bien de faire un campement de tourisme solidaire au Sénégal, mais ce serait plutôt intéressant de le faire connaître. Voilà. Voilà. Donc, on a créé l'association Lorraine Nyambato, qui a été présidée au départ par Éric Pierrot, et puis j'ai pris le relais il y a quelques années. Donc, notre association, elle fait la promotion des valeurs du tourisme solidaire, elle explique ce que c'est. Elle aide des voyageurs à aller au Sénégal. On sait que c'est pas facile d'aller en Afrique noire. Sans être dans un voyage très organisé et pouvoir y aller à la rencontre des gens en toute sécurité. C'est notre objectif. Effectivement, donc on voit un projet qui a fédéré, qui a tout de suite marché et qui a rassemblé beaucoup de monde. Vous y êtes allé déjà la première fois que vous y êtes allé, c'était comment les impressions quand vous avez posé le pied là-bas ? J'y suis allé en fait avant le projet de campement, parce que j'avais une amie sénégalaise qui m'avait invité à venir chez elle, et donc je connaissais déjà un peu le Sénégal, enfin, je connaissais, j'y avais passé une quinzaine de jours en famille. Et j'y retourne régulièrement, une fois par an, en ce moment presque deux fois par an. On a des liens très, très forts, très réguliers, donc j'essaye d'y aller chaque fois que je peux. Professionnellement, je suis plus libre maintenant, donc voilà, je peux consacrer plus de temps à aller au Sénégal. Le 5 octobre, vous allez faire une soirée solidaire. Ce sera à Fougue pour bien. C'est l'occasion de faire connaître l'association, mais de manière un peu festive. Les autres méthodes que vous avez pour faire connaître l'association, quelles sont-elles ? Participer à des émissions de radio, par exemple. Par exemple. Et puis, on participe à des manifestations, par exemple, celle qui aura lieu ce dimanche, samedi dimanche à Jarville, Jardin de Vie. Donc, on tient un stand, on est au marché du monde solidaire, enfin, on est dans différentes manifestations où on parle de solidarité, d'environnement ou d'Afrique. Donc là, on fait connaître de cette façon-là. On a aussi un site internet qui permet effectivement de nous découvrir. Et puis cette soirée annuelle qui permet de mobiliser pas mal de monde. Et qui permet aussi de présenter des projets, parce que ce que je n'ai pas évoqué dans notre action associative, c'est que le campement au Sénégal, il travaille en partenariat avec 5 villages pour lesquels on propose aux visiteurs d'aller visiter, de participer à des activités villageoises, d'aller manger chez l'habitant, dormir chez l'habitant s'ils le souhaitent. Et notre association soutient des projets de développement pour ces villages. Donc des projets d'intérêt général. Et cette année, on soutient la réalisation d'un jardin maraîcher pour un village qui s'appelle Ndiambang, et qui est cultivé par 97 femmes. Et ce jardin avait besoin d'entretien, voire de grosses réparations sur ses infrastructures, sur des puits, parce que le Sénégal souffre aussi du réchauffement climatique, de plus de difficultés d'accès à l'eau. Donc on refait des puits, on refait des clôtures pour ce jardin, et c'est notre association qui vient en soutien, qui amène les finances nécessaires, qui organise la réalisation de ces chantiers avec la participation des villageois. Et il y a d'ailleurs sur la page Eloasso, on peut aussi, les auditeurs peuvent soutenir votre action pour ce jardin pour les femmes de Ndiambang au Sénégal. Quand des personnes viennent découvrir un peu votre association, vous leur parlez de tourisme solidaire. Est-ce que ça parle tout de suite? Les gens comprennent tout de suite, ou il faut expliquer un peu? On explique aussi notre vision, parce que il peut y avoir beaucoup de définitions derrière tourisme solidaire. Oui. On explique notre approche, notre vision de cela. Comme je vous le disais, c'est d'abord des échanges interculturels, amenés à se connaître. Notre campement, à la différence d'hôtels qui se trouvent, ou d'autres campements qui se trouvent au Sénégal, notre campement est très ouvert. Il n'y a pas de mur. Il y a les gens des villages qui viennent, etc. Ça se passe très bien. Alors, on n'est pas en milieu urbain, on est en milieu rural, très calme. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'apprendre à connaître l'autre, à se découvrir. Donc, pour des Occidentaux, des Français, découvrir la vie villageoise sénégalaise. Mais aussi pour des Sénégalais, de mieux connaître les Occidentaux et sortir chacun des stéréotypes qu'on peut avoir les uns sur les autres. Et on fait le pari qu'en se connaissant mieux, on se comprend mieux, on se tolère mieux, on est plus en capacité, évidemment, de vivre ensemble. Ça paraît d'une évidence totale, mais enfin, il faut quand même le pratiquer. Donc, on est hors des clous d'un tourisme qui se fait dans des 4x4 fermés, dans des hôtels fermés, et surtout avec peu de contact avec la population, parce qu'on ne se sent pas à l'aise. Donc, nous, c'est tout le contraire de ça. Et puis, encore une fois, c'est le développement économique local. C'est-à-dire qu'il y a toutes les études qui sont faites au niveau du tourisme mondial ou international montrent que les retombées économiques du tourisme ne profitent absolument pas à la région dans laquelle la structure touristique est implantée, parfois même pas du tout au pays. C'est-à-dire qu'on est dans des multinationales de tourisme qui reprennent leurs bénéfices à leur échelle mondiale. Donc les habitants voit des touristes, les voit passer, mais ne bénéficient pas de cette activité-là, ne peuvent pas eux-mêmes développer une activité. Donc, c'est ça, nous, pour nous, le tourisme solidaire. Très grosse différence. Ouais. Et ainsi, donc, vous proposez différents séjours, donc des séjours échanges et découvertes. Oui. C'est ça, mais d'autres aussi, plus pour des envies de découvrir la faune aussi et la flore, des séjours ornithologiques. Oui. Comment c'est venu, ça? Bah, c'est venu d'un échange avec une association qui est pas loin d'ici, qui est à Rosières, l'association L'Atelier Vert, voilà, qui travaille essentiellement sur la sensibilisation à la préservation de l'environnement. On a eu l'occasion de se rencontrer comme ça et de parler. Et ils nous ont dit, mais vous savez que là où vous êtes, c'est un spot ornithologique. Donc, nous, on le savait pas. On savait qu'il y avait des oiseaux partout, de toutes les couleurs qu'on appréciait, mais on n'avait pas idée de cette richesse-là. Et donc, des membres de l'Atelier Vert sont venus au Sénégal, je crois que c'était en 2015. Ils ont fait un inventaire ornithologique. Ils ont fait un petit document, un petit livret de découverte des alentours du campement, avec une approche très pédagogique, familiale, comme ils savent bien le faire. Et ils nous ont proposé un séjour, un format de séjour pour aller à la découverte des oiseaux. Donc, ce qu'on propose avec un ornithologue expert qui s'appelle Vincent Perrin, qui est un ornithologue de haut vol. De haut vol parce qu'il est très expert et il est très accessible, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien accompagner des gens qui sont férus d'ornithologie, qui ne parlent que de ça du matin jusqu'au soir, comme des gens qui veulent simplement découvrir. Donc on organise des séjours avec lui en général une à deux fois par an. Voilà, il y a donc oui, dans l'année, il y a beaucoup de séjours proposés en fait. On essaye de développer des séjours thématiques pour des gens qui ont envie d'allier leur passion avec la découverte de la région. Donc, on a déjà fait un séjour sur une base théâtrale avec le Théâtre de Cristal. Donc, on relance un séjour au mois de janvier. Si les personnes sont intéressées, elles peuvent s'inscrire, nous contacter. Et puis, on fait également un stage de découverte du ciel sénégalais. Un séjour qui s'appelle « Le cœur dans le saloum, la tête dans les étoiles ». Ça, ce sera en février. C'est en février. Et il reste quelques places pour les personnes qui sont intéressées. Et d'ailleurs, si on veut justement s'intéresser, on va sur le site de l'association. Oui. Vous êtes présent sur LOSO parce que, aussi. Oui, et puis sur notre site nyombato.com. Et nyombato, ça s'écrit N-I-O-M-B-A-T-O. Donc on le voit, il y a plein de choses qui sont proposées pour du tourisme solidaire. Si vous ne connaissiez pas, je vous invite à aller découvrir l'association Nyambato et surtout peut-être d'aller à votre rencontre. Parce que on le redit, le 5 octobre, il y a cette soirée solidaire avec un repas-concert. Il y aura le groupe Grand Large qui propose de la musique pop-rock celtique. Alors on est un peu loin de l'Afrique, mais ça nous fait voyager aussi. Alors qu'est-ce qui va se passer aussi en dehors de ce concert le soir-là? Chaque année, on a envie de cette rencontre très conviviale. Donc, on fait un repas qui est confectionné essentiellement par des bénévoles avec l'appui d'une cuisinière experte professionnelle, mais pour vous rassurer et rassurer les auditeurs qui voudraient venir. On fait un repas sénégalais. L'idée, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont déjà allés au Sénégal, qui viennent là parce qu'ils ont le plaisir de se retrouver. Il y a des gens qui viennent parce que le projet les intéresse, ou il y en a qui viennent parce que simplement le groupe les intéresse. L'objectif, c'est de passer une bonne soirée ensemble. On présente, nous, un peu d'activités de notre association. Et puis, on écoute de la musique. Alors, c'est vrai qu'on est sur du rock pop celtique. On est loin de l'Afrique. Mais on essaye de varier les programmes chaque année. Et là, le groupe Grand Large nous a proposé de venir pour notre soirée. Je les en remercie parce que c'est un groupe qui fait de la musique de qualité. On sait qu'on aura une bonne soirée avec eux. Vous nous avez dit qu'il y a des gens qui vont déjà voyager au Sénégal. Alors peut-être d'autres manières que celles que propose l'association Nyambato. Est-ce que vous avez eu des retours d'anciens voyageurs au Sénégal qui ont découvert le Sénégal d'un autre regard, justement, passant par ce tourisme solidaire? Les gens nous disent, ceux qui connaissent le Sénégal par ailleurs, nous disent que La particularité, j'allais dire la qualité des séjours qu'on peut proposer, c'est les contacts avec la population. Et le fait que, comme nous sommes partenaires avec les villages environnants, les villageois, quand ils voient un blanc se promener dans la campagne, un toubab, comme ils disent, ils savent d'où il vient. Et donc, les gens sont bien accueillis. Et il n'y a pas de soucis dans les relations avec la population comme on pourrait avoir dans les grandes villes sénégalaises ou les grandes villes françaises, hein, c'est pareil. On n'est pas du tout dans le même mode de relation. Et ce qu'on a demandé, nous, aux chefs de village, quand on a créé le campement et qu'on leur a proposé effectivement d'organiser des visites de leur village, au-delà du fait qu'on a formé des villageois à venir présenter leur village, et c'est des villageois qui sont rémunérés pour leurs prestations maintenant quand ils font les guides. On a demandé à ce que il n'y ait pas d'échange d'argent, de demande d'argent aux vacanciers. C'est-à-dire que ça, c'est aboli dans les relations. D'accord. Bon, souvent, quand on va dans certains pays où il y a vraiment une différence de niveau de vie, de revenus entre les touristes et puis les habitants du pays, il y a des sollicitations fortes. Bon, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, etc. Là, on a demandé à ce que ça ne se fasse pas. Et ça fait 15 ans qu'on fait ça et ça marche. C'est-à-dire que les enfants viennent vers vous, ils ne vous demandent pas de l'argent, ils vous demandent des photos. Et donc, ils font tout le monde est content parce que les voyageurs aiment bien ramener des photos. Et puis nous, on demande aux voyageurs de tirer quelques photos, les meilleures, et puis on les renvoie dans les villages. Et quand on se balade dans certaines familles, dans certaines cases, on voit plein de photos et c'est plutôt sympa. Mais c'est ça qui fait la différence pour des gens qui ont visité le Sénégal ou d'autres pays dans des manières plus classiques, quoi. Merci de nous avoir fait voyager. Bien sûr, on peut ne pas hésiter à venir à votre rencontre. Je le rappelle, la soirée solidaire, le repas-concert, c'est le 5 octobre à la salle Jean Ferrat de Fougue. Alors, on peut réserver. La réservation est d'ailleurs obligatoire parce qu'il faut prévoir. Oui, il ne faut pas venir le soir à 19h30 en disant est-ce qu'on peut manger. Alors, je vais donner un numéro de téléphone. C'est le 07 83 35 37 65. Il y a aussi une adresse mail. C'est concert@nyombato.fr. Le plus simple, c'est qu'on remette aussi les informations pratiques sur la page avec le podcast de cette émission. Et bien sûr, on retrouve les infos sur le site internet de l'association Nyombato. Les réseaux sociaux, vous êtes partout aussi. Sur Facebook, oui. Facebook essentiellement. Oui, Fadidi Nyombato. Et la page Eloasso, parce que je rappelle qu'on peut aussi soutenir une de vos actions, hein, ce jardin pour les femmes de Nyangbang. Au Sénégal. Merci beaucoup, Michel Pio. Merci à vous. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.